Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Question 44. Des effets de la crainte. Les effets de la crainte sont une contraction organique, parfois le bon conseil, le tremblement des membres du corps. Influence de la crainte dans nos actions. 1. La crainte produit-elle une contraction organique? La crainte, causant en nous le sentiment de notre propre faiblesse, force les esprits vitaux de se concentrer à l'intérieur, et il en résulte une contraction organique. Ainsi, dans le mourant, le sang se retire au-dedans à mesure que sa force s'affaiblit. Ainsi, dans une ville assiégée, les citoyens, frappés d'effroi, se rassemblent dans la citadelle. Note. L'extinction de la voix, la pâleur, le tremblement sont une suite de cette contraction, nous allons en parler. Fin de la note. 2. La crainte favorise-t-elle le conseil? Il est remarquable que la crainte est parfois une cause de bon conseil, et, sous ce rapport, elle est utile à l'homme, non pas sans doute qu'elle lui confère la facilité de bien juger, comme passion. Elle s'oppose plutôt à la rectitude du jugement, mais elle éveille la sollicitude et porte indirectement à la prudence. Ceci doit s'entendre, on le comprend, de la crainte modérée. 3. La crainte produit-elle le tremblement du corps? Cicéron a dit, le tremblement, la pâleur et le claquement des dents sont des effets de la crainte. Cette passion ramène, en effet, les fluides vitaux du dehors au dedans, et, par cette concentration intérieure, elle glace les membres du corps, de là un tremblement. Car la chaleur naturelle est comme un instrument dont l'âme se sert pour mouvoir le corps. L'effet de la crainte peut être aussi grand qu'il en résulte une émission de toutes les superfluités du corps. La chaleur naturelle, dans son mouvement de haut en bas, délaisse le cœur et tous les membres qui, par la poitrine, sont en rapport avec cet organe. De là le tremblement de la voix, des lèvres, de la mâchoire inférieure, des dents, des bras, des mains, et même des genoux, ce qui faisait dire au prophète Isaïe 35:3, « Fortifiez les mains languissantes et soutenez les genoux tremblants. » 4. La crainte empêche-t-elle l'action? Il résulte de tout ce qui précède que si la crainte excessive empêche l'action, celle qui est modérée et néanmoins utile à l'action elle-même, elle éveille, comme nous l'avons dit, la sollicitude, porte à prendre conseil et fait agir avec prudence. Voilà pourquoi l'apôtre écrit aux Philippiens 11, 12, « Opérez votre salut avec crainte et tremblement. » Il ne parlerait pas ainsi, si la crainte empêchait les bonnes actions. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.